Oui, alors vous écoutez Futur Simple sur CKRL et Futur Simple va se terminer avec Marie-France Sottil qui reçoit Jason Sanson qui est professionnel de recherche au Centre de la science de la biodiversité du Québec et titulaire d'un doctorat en écologie à l'Université McGill. Sa thèse portait sur l'impact du climat sur les populations humaines. Alors Jason Sanson est déjà venu à Futur Simple et aujourd'hui, il nous parle de l'évolution de la violence dans nos sociétés. Bonjour Marie-France, bonjour Jason. Bonjour François. Alors, je vous laisse la parole. Allô Jason, alors à notre dernière rencontre, tu avais parlé effectivement un peu de ton doctorat, c'est-à-dire l'impact des changements climatiques sur les sociétés humaines, puis plus spécifiquement sur le fait que le réchauffement pouvait exacerber les conflits armés. Alors, en terminant, en plus, tu avais affirmé que depuis l'apparition de l'humanité, les conflits et la violence sont en constante diminution. Alors, je voyais un peu une contradiction là-dedans, et puis surtout un fait assez étonnant si on considère ce qu'on entend dans les médias dernièrement. On a plutôt l'impression que les agressions armées sont très florissantes. Oui, ben c'est certain que la situation est assez désolante avec l'État islamique, avec Boko Haram, avec les tueries dans les écoles, aux États-Unis, la Syrie, j'en passe. Mais en même temps, les journalistes portent beaucoup d'attention sur les conflits et il est important de se faire une idée avec des données robustes plutôt que de tirer des conclusions fondées sur la couverture médiatique. Donc, et ce que les données nous indiquent, c'est que nous vivons vraiment dans l'époque la plus pacifique de l'histoire humaine. Alors, tu parles de données. Quelles références tu utilises pour arriver à cette conclusion, hein? Oui, ben en fait, c'est il y a un livre fantastique qui résume un immense travail que le psychologue montréalais Steven Pinker a publié il y a quelques années. Ça s'intitule « The Better Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined ». Et c'est une lecture qui m'a profondément étonné et séduite. Ben, je donnerai à la fin de l'entrevue la coordonnée exacte de ce livre, mais pour l'instant, c'est quoi l'approche du Dr. Pinker pour affirmer qu'on est moins agressif qu'avant? Oui, ben en fait, il décrit la violence dans nos sociétés avec des tonnes de statistiques, donc il y a des figures et des figures et des figures, donc c'est un peu dur à la radio de bien rendre ce bouquin, mais il explique beaucoup le contexte historique, puis aussi les motivations qui nous font pencher vers la paix au lieu de la violence. Puis pour faire, si on veut faire une courte histoire, parce que c'est certain que c'est un livre de près de 600 pages, le premier déclin de la violence, on le voit autour de 5000 ans avant notre ère. Ça correspond au début de l'étatisation des groupes humains, donc le développement des États. Puis l'étatisation, ça représente une forme d'autorité, donc c'est-à-dire que les gens acceptent qu'il y ait une classe dirigeante au-dessus de la majorité. Puis avant l'étatisation, on peut voir via, si on demande aux archéologues, on peut voir que près d'une personne sur cinq était morte suite à des coups, à des combats. Pas avec des animaux, mais bien avec des humains. Donc, c'est un contexte très, très violent. Puis, donc, c'est une personne sur cinq avant l'étatisation. Puis, si on compare le taux d'homicide au Canada présentement, j'ai regardé Statistique Canada, c'est de 1,45 personnes par 100 000 habitants par année. Donc, une personne sur 100 000 environ qui va mourir d'homicide, alors qu'avant, dans le cours de la vie, c'était une sur cinq. Puis, quel est le lien entre la formation des États, des pays, puis la baisse de la violence? Bien, en fait, l'État a tout à gagner à pousser le développement du commerce et des échanges de biens et services, car il peut prélever, bien sûr, des taxes sur ce commerce. Puis, le commerce rend les attaques et les incursions entre tribus beaucoup moins attrayantes, puisqu'elles font perdre des taxes et nuisent à la réputation entre les États. Donc, bref, l'autre personne devient plus rentable, vivante que morte. De nos jours, on peut voir aussi que la violence ressurgit dans la plupart des États qui sont tombés dans l'anarchie à cause de conflits politiques, etc. Et puis, une fois les pays formés, le commerce établi, est-ce que la violence a continué de diminuer dans l'histoire de l'humanité? Oui. Les taux d'homicide en Europe, parce qu'on a des très bonnes données dans cette région-là, durant le Moyen-Âge puis la Renaissance, étaient environ 50 fois plus élevés que nos taux d'homicide actuels. L'État, dans le fond, va prendre le contrôle de la violence en utilisant, en développant une justice criminelle, ce qui va limiter les meurtres causée par les conflits interpersonnels, la violence préemptive, c'est-à-dire que je vais aller t'attaquer avant que tu m'attaques parce que je crois que tu vas m'attaquer, ou bien la violence par la vengeance. C'est certain qu'au début de la justice criminelle, l'État était assez violent. Donc, il y avait, comme par exemple, la torture judiciaire, qui se fait plus maintenant ou à peu près plus. Et la peine capitale était très fréquente. Par exemple, aux États-Unis, un peu plus de 200 ans, on pouvait être pendu pour plus de 200 autres raisons que c'était pas simplement le meurtre, mais il y avait plus de 200 raisons. Là, on parlait de braconnage, de voler, même de donner naissance en cachette pouvait amener la mort. Bon, une chance que notre système de justice s'est radouci. En effet. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres formes de violence individuelle ou collective, là, à part celle que tu as nommée? Oui, ben, il y a beaucoup, beaucoup de formes de violence, puis Steven Pinker va les aborder. Pour l'entrevue, là, je vais plutôt aux points centraux, mais il y a plusieurs de pratiques violentes qui ont été abolies dans les 200 dernières années, comme par exemple l'esclavage, les duels pour régler des disputes qui étaient très fréquents, la chasse aux sorcières, les combats d'animaux. Tout ça, ça a vraiment disparu, puis une sorte de révolution humanitaire donc durant cette période. Ah ben, c'est ce qui explique que les sociétés sont devenues moins violentes, mais pourquoi elles sont devenues aussi intolérantes face à toutes les formes de violence? Bien, il y a plusieurs raisons. Il y a l'augmentation du niveau de vie, c'en est une, mais une que je trouvais très intéressante de discuter avec vous, c'est l'hypothèse que l'arrivée de l'imprimerie, des bouquins bon marché et de l'alphabétisme nous rendent intolérants face à la violence. Ça peut sembler étrange, oui, mais explique-nous. Ben, un peu comme Voltaire disait, ceux qui peuvent vous faire croire en des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités. Donc, les connaissances qu'on peut acquérir dans les livres vont remplacer des superstitions qui amenaient à la violence, surtout envers d'autres religions, des cultures ou des ethnies. Puis, un autre aspect très intéressant aussi, c'est l'empathie. Parce que l'empathie, ça se développe aussi beaucoup par la littérature, les romans. C'est en se mettant dans la peau des protagonistes de romans, ou bien maintenant de films, qu'on va développer notre empathie, puis on va se rendre compte que des gens peuvent souffrir, puis on voudra pas faire souffrir ces gens-là. Donc, la littérature et les bouquins bon marché sont une cause. Eh bien. Et quand on regarde le 20e siècle, c'est deux grandes guerres là, absolument meurtrières. On n'a pas tout à fait l'impression que la violence a baissé avec ça. Oui, ben, c'est vrai qu'en particulier la Deuxième Guerre mondiale, avec ses 50 à 85 millions de morts, a le sombre record du plus grand nombre de morts. Mais ça reste que ce n'est pas le conflit le plus mortel per capita. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs guerres auparavant qui ont tué une plus grande proportion de la population mondiale, et on s'entend que le taux de violence, ça représente le risque d'être tué et non pas le nombre total de morts. Donc, c'est bien certain que maintenant, avec plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il va y avoir plus de meurtres comparativement à il y a deux siècles, mais per capita, c'est ça qui est intéressant, c'est quoi mon risque d'être tué. Et puis, si on fait abstraction des guerres là, qui sont, disons, plus organisées, quand on pense à des conflits de guerre civile au Rwanda, à l'ex-Yougoslavie, à l'Afghanistan ou à la Syrie en ce moment, on n'a pas trop l'impression que ça s'est calmé, là, la violence. Oui, ben c'est pour ça, je tiens à rappeler par contre que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a eu aucun conflit entre les États en Europe, ce qui est assez exceptionnel parce que si on regarde sur les 600 dernières années, donc sur les 6 derniers siècles, il y avait en moyenne 2 guerres par année en Europe. Donc, c'est assez exceptionnel cette paix dans la deuxième moitié du 20e siècle. Puis c'est vrai par contre qu'il y a eu beaucoup de conflits de guerres civiles, mais il faut se rappeler que les guerres civiles font beaucoup moins de morts que les guerres entre États. On parle de dizaines de milliers de morts pour des guerres entre États et seulement de quelques milliers de morts par année pour des guerres civiles. Donc, c'est beaucoup moins violent, ces guerres civiles. Mais ça reste terrible. Puis, qu'est-ce qui explique, d'après Pinker toujours, la baisse des guerres entre États? En fait, il y a deux grands aspects. Le premier, c'est l'augmentation de la démocratie, du commerce et de la force de la communauté internationale. Donc, on peut voir que le nombre d'organisations intergouvernementales est en constante augmentation, puis ça rend diplomatiquement très difficile à un État de décider de faire la guerre parce qu'il va perdre beaucoup d'alliés. Puis, la deuxième partie très importante aussi, c'est la révolution des droits humains. Donc, c'est maintenant inacceptable socialement d'être raciste, d'être misogyne, d'être homophobe, de donner la fessée à ses enfants, d'être violent envers les animaux, etc. Puis c'est sûr que chacun de ces mouvements pour les droits humains ne sont pas au même stade partout, mais si on se compare au début du 20e siècle, c'est un changement vraiment radical. Si on prend par exemple l'émancipation des femmes, a été particulièrement efficace, c'est certain que c'est pas gagné partout, mais si on compare ça par exemple aux droits des homosexuels où il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais ça reste que le 20e siècle a connu une révolution des droits humains exceptionnelle. Alors, si la tendance se maintient, comme dirait l'autre, est-ce qu'on peut imaginer un jour un monde sans violence du tout? Ben, je pense pas, puis Steven Pinker ne croit pas non plus, parce que c'est certain qu'il faut bien mettre en situation que notre paix relative actuelle, c'est vraiment causé par des développements sociétaux particuliers. C'est pas une évolution biologique, l'humain n'est pas, on est toujours encore aussi intéressé à voir de la violence, les enfants sont toujours aussi violents. C'est certain que ça change notre être. On n'a pas une évolution vraiment biologique, c'est la société qui a changé. Et qui dit société qui est différente, dit aussi que la société peut régresser. S'il y a des crises politiques, ou environnemental, ou on peut penser au changement climatique, ça peut faire ressurgir la violence, comme on le voit d'ailleurs dans certains coins de la planète présentement. Bien, l'immigration massive due à toutes sortes de circonstances, ça peut exacerber les tensions entre les nations. Exactement, on le voit déjà. Puis, mais ce que Pinker, en fait, suggère, c'est qu'on c'est important de mieux comprendre ce qui est arrivé, qui a causé ce déclin de la violence-là, afin d'être capable de mieux agir quand il va y avoir une crise politique ou environnementale, d'être prêt pour essayer au moins de mettre les bons éléments pour limiter cette résurgence de la violence. Quel beau vœu pieux. Excuse-moi, j'ai pas trop confiance en l'humanité. Alors, pour nos auditeurs, je rappelle le livre en question, donc de M. Steven Pinker. C'est « The Better Angels of Our Nature », publié chez Viking en 2011. Et puis, en terminant, j'aimerais que tu nous parles des autres bouquins de M. Pinker, parce que c'est un homme fascinant, hein? Même s'il est formé en psychologie, il touche à tous, monsieur. Oui, il est vraiment exceptionnel. Il s'intéresse beaucoup à la psychologie évolutionnaire ou évolutive. Donc, c'est de regarder un petit peu comment est-ce que la sélection naturelle, comment est-ce que l'être humain a été formé, a été... on s'est développé de manière à être capable de maximiser nos taux de reproduction, etc. Donc, on a un intestin qui est parfaitement bien adapté à notre type de diète. On a les bras qui sont bien adaptés. On a les... etc. Je sais pas, pour ceux qui écoutez souvent l'émission, probablement que vous vous sentez un petit peu tiré de barrette dans mon discours, mais c'est certain que le cerveau humain, notre manière de réfléchir, d'interagir avec les gens, est très influencé par cette sélection naturelle. Donc lui, c'est beaucoup à ce qui s'intéresse. Donc, il s'intéresse beaucoup aussi au langage, donc avec des livres un peu prétentieux comme « How the Mind Works », c'est un de ses titres. Puis de regarder aussi là, l'effet du blank slate, c'est-à-dire de la table rase, c'est-à-dire est-ce que les bébés, est-ce qu'on est en étant complètement modélable par l'environnement? Est-ce que c'est l'environnement qui nous façonne ou il y a des choses qui sont inclus en nous, puis nous montre avec, en fait, le développement du langage, comment est-ce qu'il y a beaucoup de manières de comprendre, de raisonner, qui sont bien imbriquées en nous, puis qu'on peut pas faire de manière différente. On n'a pas le choix, on a ces outils-là pour réfléchir, puis on doit faire avec. Donc, c'est un peu ce que Noam Chomsky, pour ceux qui connaissent, a fait de manière théorique. Lui, il pousse un petit peu en disant, bien, il y a une explication aussi évolutive à ce genre de... Donc, c'est un monsieur fascinant avec plus d'une dizaine de livres sur plein de sujets. Bon, bien, on prend des notes. Merci beaucoup, Jason. Ben, ça m'a fait plaisir. Certainement. Merci beaucoup, Jason Sanson. Merci, Marie-France Sautil. Et rappelons également que Jason Sanson est professionnel de recherche au Centre de la science de la biodiversité du Québec et qu'il s'est intéressé pendant son doctorat aux effets des changements climatiques sur les populations humaines. Alors, merci à vous deux. Ça fait plaisir.